Yeah, ay, yeah, ay, yeah, ay, yeah, ay. J'ai une case à Marie ou ses cartes. Mange le C4 et aux éclats. Maître Yugi transpose les cartes. J'pense à demain Django Reinhardt. Nécromancien technique funeste. Cousin Hubert méprise lutesse. J'attends la chute, elle est muette. Guillotine et chante à tue-tête. Chien des enfers vêti 3 hommes. J'vois que des enfants Bugsy Malone. Partage colère de Zamasu. J't'apprécie autant qu'un abat-jour. Seigneur viking dans mes aïeux. J'enflamme le drakkar, j'fais mes adieux. J'arrive en L, j'suis cavalier. Abstiens-toi de penser à me parler. Souvent dans le mal, évidemment, j'ai mis les mots sur mes démons. Je me démène afin d'enlever tous les murs qui dans le monde m'ont démuni de mes forces et me demande avant d'aimer si la mélancolie n'est pas venue de moi. Yeah. T'es pas né dans le ciel, fils. J'suis pas meilleur que toi, sauf dans l'essentiel, fils. Je bois, j'm'oublie, Jason Bourne. Je bois, j'm'oublie, Jason Bourne. Je bois, j'm'oublie, Jason Bourne. Je bois, j'm'oublie, Jason Bourne. Jason Bourne. Seigneur qui cligne dans mes aïeux. Jason Bourne. J'arrive en L, j'suis cavalier. Jason. Nécromancien technique funeste. Jason. Ma vertu dort, mon vice s'éveille, fatalité, j'arrache ta colonne vertébrale. La transcendance à fleur de peau m'écorche les tempes, serait-ce la nuit qui me traverse les cailles. Freddy Krueger dans l'absinthe, j'ai du mal à voir les standards pleins. Construit piège dans les limbes, bluff, tout est noir, j'ai la quinte, flush. Je bois, j'm'oublie, Jason Bourne. Je bois, j'm'oublie, Jason Bourne. Je bois, j'm'oublie, Jason Bourne. Je bois, j'm'oublie, Jason Bourne.